tu ravives, je chavire. Dans ce cas, y'a quoi qui délivre? Il y a toi, y'a la rive et les passions qui s'alignent. La raison interdue, la prison du vécu. Ça tente d'allumer la blonde sous la fausse fourrure. Les fous rires qui s'estompent même sous un ciel d'azur. Une vague en appelle, une autre. Comment se faire du bien quand tu es si loin? Une vague en appelle, une autre. Je collectionne les mégots, pas assez misé sur mon ego. Me voilà à nouveau dans mon sud, aux prises avec ma solitude. Oh, comme tout semble fade, la santé se barre en promenade. Ma vie comme si j'étais sur une estrade. La raison a perdu la prison du vécu. De l'émotion pure à tout azimut. Si loin de mes certitudes, tu me fais gagner de l'altitude. Une vague en appel, une autre. Comment se faire du bien quand tu es juste une vague.